Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée vers le mois de février. J'étais invité à manger avec des gens super sympas, des auteurs, des compositeurs, des musiciens, tout ça, tout ça. En m'approchant du buffet, je suis allé voir Mickey 3D, il portait son super survêt, allez les verts. J'aime bien ce que tu fais, mais rajoute de l'accordéon. Moi si j'étais toi, j'en mettrais. Les gens, ils aiment bien le cordéon. Je lui ai répondu gentiment que je n'étais pas lui. Il m'a dit ok, j'ai compris. Je vais respirer mes pâquerettes hein. Et je vais aller, et je vais aller. Je suis bloody, je suis aimé. J'ai rencontré Carla Bruni, ben oui, elle est très grande. J'y arrivais même pas au ventre. Elle m'a dit que quelqu'un lui avait dit qu'on s'était dit qu'on se dirait, qu'on s'aimerait. J'ai dit ok, on se voit après. Et dans le coin de la pièce, il y avait Vincent Delerme tout seul avec son beau piano. Personne ne l'écoutait, pas de peau. Il m'a dit j'aime bien ce que tu fais, mais tu parles un peu trop fort ta voix, tu devrais la baisser. Les gens, ils t'écouteraient plus. Merci Vincent pour le conseil. Mais moi je suis pas au piano et y'a le volume à fond sur mon micro et je vais lire. Et je dis, je suis blousé. Je suis aimé, je suis charlé, je suis bloody, je suis aidé, je suis aimé, je suis charlé. Plein de rockers qui se désaltéraient. Il y avait même Metallica. Ils m'ont dit c'est bien ce que tu nous chantes, mais faut mettre des solos sympas par-ci par-là. Je leur ai dit écoutez-moi les gars, ma chanson elle est déjà longue, vous comprenez à force, ça va vous gonfler. Ils m'ont dit ok, désespère pas, viens boire une despé. On s'est bien amusé, j'ai un peu abusé. Mais je leur ai dit, mais je leur ai dit, je suis bloody, je suis crazy, je suis CP, je suis Charlie Gay, je suis bloody. Sorti faire un tour et là c'était le top du top. J'ai rencontré de nouveaux gens sur le trottoir. Il y avait Georges Brassens qui me conseillait de passer un peu plus de temps sur mes textes et puis de faire des rimes à chaque fois et puis de mieux rouler mes airs. Non mais au pour qu'il se prend lui, c'est pas avec ses quatre bouts de bois qu'il va m'apprendre un truc à moi. Qu'il surveille mieux son gorille, qu'il aille réchauffer sa Margot avec ses poteaux. On se retrouvera sur son radeau. Et pour finir, je te raconte pas, allez si, je te raconte un déclic mon gars. C'était Jali Van Persson et man Bob Marley me souriait me disant qu'il la verrait plus reggae, plus cuivré. Puis j'ai repris quelques despés, puis lui s'en déroulait. Puis on est bien déliré, on est grave parti en mettre des No Woman, No Quad, Iron Zion, Ecstasy, Jamming Ray, Redemption Song. Puis je me suis réveillé, tout dégoûté, Alors pour me réconforter, je suis monté dans la vallée. J'ai rencontré Jésus-Christ, puis il m'a amené chez lui. Il me disait qu'il aimait ce que je faisais. Alors là, net, je l'ai stoppé. Vous avez tout du talent, mais laissez-moi mes arrangements. Je veux faire une chanson cool, une histoire longue bien déjantée. Il m'a dit je te comprends, moi je n'y ajouterai rien. Ton texte tient la route et la mélodie c'est top, y a pas de doute. C'est vrai que deux accords pour toute une chanson, c'est vraiment très recherché, c'est de la créativité. Tant que ça sonne, tant que ça groove, faut pas se prendre la tête. Et puis là ça sonne et puis ça groove, alors faut surtout pas qu'on s'arrête. Puis il m'a avoué qu'il m'avait emmené pour me présenter sa fille cachée. J'étais comblé. Ben je peux vous dire les gars, mademoiselle Jésus c'est pas un steak haché, le top of the beauté. En fait je sais pas si j'étais bien réveillé, car elle a commencé à me déshabiller. Et là je te raconte pas, oh ben non là je te raconte pas, non là je te raconte pas, mais je lui ai dit ouais, je suis bluesy, je suis easy, je suis simple, je suis Charlie. Je suis bluesy, je suis simple, je suis easy.